toutes les filles du monde m'ont suivi. Comme si j'étais le Messie. Vous n'y croyez pas, mais si, mais si. Toutes elles m'ont suivi, qu'est-ce qui leur prend? Elles m'ont toutes suivi, ensorcelées, hop, hé, hop, hé, sans même savoir où j'allais. Hop, hé, moi je buvais du petit lait, hop. Demandant qu'est-ce que j'en fais, hein? Qu'est-ce qui me vaut un succès pareil? Jamais je n'ai vu tant de merveilles. Et si je rêve, chut, surtout ne me réveille. Yep, pas. Toutes les filles du monde m'ont suivi. Hop, hey, hop, hey. Comme si j'étais le Messie. Je les tenais à ma merci. Hop, hé, hop, hé. Toutes elles me suivaient en ondulant. Oh, yeah, yeah. Je les ai toutes menées au paradis. Hop, hé, hop, hé. Et je leur ai dit, mes jolies, c'est ici qu'Adam passait sa vie, oui, c'est ici que toutes les Ève foutent le camp. Sortez, sortez toutes, que toutes les Ève foutent le camp. Petite criminelle, sortez, que toutes les Ève foutent le camp.